Alors là, il est 6h10 devant l'hôpital psychiatrique du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen. Et il va y avoir un blocage. Là, il y a les palettes qui sont en train de s'installer. Bonjour. Déchargement des palettes devant les grilles de l'hosto pour faire un barrage filtrant des entrées bientôt. Vous avez travaillé ici, retraité, de l'hôpital psychiatrique ? Pas du tout. Vous venez en soutien à 6h du mat ? Voilà, exactement, ouais. Comme hier devant le rectorat. Ok. Et vous ? Moi, je suis... Vous n'êtes pas retraité ? Non. Je suis en recherche d'emploi actuellement. Et voilà, c'est pour notre avenir, donc on est là. J'étais là hier au rectorat, j'étais là... dans tous les autres blocages, je suis là et je serai là demain, soit à la gare, soit sur le port, de Rouen, on verra. Oui, parce qu'on on manque pas d'activité là ces jours-ci. C'est ça. Votre prénom, c'est quoi ? Florian. Merci Florian. De rien. Salut. On s'était rencontré François sur la lutte l'année dernière de l'hôpital du Rouvray. Il y avait une très grosse lutte, très dure, une grève de la faim de 18 jours de 8 personnes. Notamment, oui. Ouais. Et plein d'autres actions. Voilà, on a vu un gros mouvement de 3 mois qui s'était conclu par une soi-disant victoire. Et aujourd'hui, bientôt 2 ans plus tard, on est toujours là. C'est magique, hein, il suffit de changer le directeur et puis le protocole s'applique plus, on dirait. Voilà, il a dit, moi, je n'ai rien signé. Mais bon, l'administration avait signé, normalement. Ouais, et puis on parle pas de négociation sur du confort, là. On parle de négociation sur des conditions de travail et d'accueil des patientes et des patients, quoi. Oui, puis on est... des fois, on nous reproche vous êtes dans l'excès quand on parle d'adolescents qui se font violer dans nos services. Nous cette année, précisément dans le service, on en a eu qu'une, mais en dehors du service, il y en a eu au moins 3. Des gens qui se rencontrent dans l'hôpital et quand ils se revoient dehors... Les jeunes filles qui sont souvent en difficulté, ouais. Parce que là, c'est une des revendications, notamment maintenant, mais c'était une des revendications parmi d'autres l'année dernière, c'est l'ouverture d'une unité pour adolescentes et adolescents, parce que là, actuellement, les ados sont mélangés avec les adultes. Nous, on a eu encore récemment des gamines de 14 ans dans le service, à côté de prédateurs sexuels, dans la chambre d'à côté, par exemple. Ça fait 10 ans que la création d'une unité pour adolescents est la revendication principale de tous les mouvements qui sont sur cet hôpital, depuis 10 ans. Et on n'est toujours pas entendu. Et puis l'administration, je crois, il y a eu quelques mois, il y a eu de nouveau un petit regain de tension. L'administration parlait d'événements indésirables, un truc comme ça. Un gros euphémisme pour parler de ça, quoi. C'est vrai qu'on a un nouveau directeur depuis la fin du précédent mouvement et quelqu'un qui maîtrise très bien... Quelqu'un qui maîtrise très bien le verbe. Ah, nos chers administratifs, bien formés dans des belles écoles. Ça va ? Salut. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve un peu devant des murs. Hein. Nous, on est clairement là pour les patients et on se rend compte qu'on est face à des gens qui sont là pour leur carrière. Bon, chacun ses choix. Ouais. L'année dernière, un des slogans, c'était ça concernait le fait d'avoir des moyens pour mieux soigner les gens, quoi, et ne pas faire être obligé par les conditions de travail de faire de la maltraitance. Oui, il y avait le slogan paradis fiscal enfer à l'hôpital, qui effectivement amène une vision un peu bien large du problème, quoi. Hein, c'est que c'est un problème sociétal, effectivement. Hein. Nous, on mène la lutte au sein de l'hôpital, c'est extrêmement important, mais on sait tous que ce serait quasiment nul si on n'était pas englobé dans des combats plus importants, comme on le fait un peu aujourd'hui. Hein. On a les Gilets jaunes, l'Interpro qui est avec nous, les citoyens qui nous soutiennent. On lâche rien, tous ensemble. On est là. Merci.